Après des simagrées, le fa dièse est mort, comme la Pérouse perdue en mer du Nord. Je pas ma propre dé.